temple de mensonges brûle en silence. Chaque tronc de fumée s'efface en absence. Riders qui marchent sur blocs d'acier. Un feu sacré que rien n'éteint jamais. Gospel of the streets, truth won't die. Through the fire I still rise. Brighter still the flame remains. Breaking lies, I cut the chain. Gospel of the streets, truth won't die. Through the fire I still rise. Brighter still the flame remains. Breaking lies, I cut the chains. Ils prêchent fort mais leurs voix sont creuses. Des prophètes vides, des couronnes fausseuses. Chaque cri mensonge est nourri la foule. Mais la vérité manque, tout s'écroule. Je vois des chaînes forgées dans la nuit. Des idoles mortes qui guident vos vies. Vous suivez l'ombre, vous croyez au roi. Mais vos trônes tombent, faibles sans loi. Moi je marche froid, franc et précis. Chaque mot lourd, chaque vérité. Réfléchir. Des voix captives qu'on fait obéir. Vous croyez fort aux reflets creux. Des illusions mortes, des rêves tordus. Chaque faux pas devient votre foi. Chaque mensonge un nouveau roi. Mais quand le vent souffle trop fort, vos idoles tombent comme des corps. Moi je bâtis sur la sincérité. Chaque ligne jamais. Vos prophètes hurlent, vos foules s'inclinent, mais vos royaumes tombent en ruine. Moi je reste droit, pierre et acier. Chaque vérité ne peut plier. Riders qui parlent, voix éternelle. Un souffle brut, un feu fidèle. S'effondre, des flammes mortes que le vent porte. Chaque mot crié devient poussière. Chaque faux trône tombe en lumière. Moi je frappe vrai, froid et précis. Chaque cicatrice forge mes écrits. Riders qu'il vit, gravé dans l'air. Un nom sacré, une voix sincère. Je suis le bloc, l'acier, le roc. Riders qu'il vrai, gravé dans le choc. Chaque trône tombe, vos voix s'effacent. Vos mensonges meurent, vie des fougasses. Des générations suivent sans voir. Des fous aveugles perdus dans le noir. Moi je reste feu, droit et loyal. Chaque vérité devient arsenal. Riders qu'il marche, froid et précis. flammes s'éteignent. Chaque mensonge finit en cendres.